Explique-moi, babe. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre dans cet état. Hey, excuse-moi, babe. T'as raison, je ne devrais pas. J'ai rien de déplacé, ce n'est pas mon intention. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire oublier tout ça. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Tu verras, tu ne regretteras pas. À quoi tu joues là? Y'a pas besoin de faire tout ça. La prochaine fois, demande-moi. Avant de créer ce froid, prends le temps de nous faire confiance. Laisse-nous cette chance. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire oublier tout ça. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Tu verras, tu ne regretteras. Je vais t'aider à pouvoir oublier les épreuves de ton passé. Laisse-toi guider. Tout glissera comme il se doit. Je suis sûr de moi, on va te régaler. L'avenir est à nous. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire oublier tout ça. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Tu verras, tu ne regretteras. Tu ne regrettes.